grave, c'est vrai de me déférer. On dirait que ça va dégénérer. Dis-moi pour toi qu'est-ce que t'espérais. T'as vite intérêt d'accélérer, de bien garder tes petites fesses serrées. Genre ma tête de déterré, tes blocs mal éclairés. Je laisse pas d'ADN, juste une putain d'odeur pestiférée. Je suis pas venu pour fédérer, je suis venu pour tout incinérer. Tu me trouves toujours sur tous les bons pouces parce que j'ai trop bien les flairés. Appelle-moi l'as de l'embrouille, je le roi de la magouille. Je rentre dans le business avec le ventre qui gargouille. Je pèse la patrouille, venez me renifler les couilles. Je respecte aucune loi à part celle de la débrouille. C'est un pour les euros, deux pour les escrocs. Chacal, chacalette, tous les pros du rodéo. Pour les loups du ghetto, pas pour les intellos. Je veux juste gagner gros, mais c'est Sarko et Bardo. C'est un pour les euros, je rafle le cash, je suis juste un escroc. Chérie, je veux que tu le saches. Un pour les euros, je rafle le cash, j'aime le rodéo. Parmi faire des amis, juste un max de money. Je mets les MC dans le coma et l'industrie en l'agonie. J'ai la technique de Ronnie, un grand appétit comme Tony. J'suis pas venu là pour blaguer, j'suis venu pour saigner Sony. L'engin est mal poli, impossible de stopper ma folie. Quand mon flow glisse comme un gros bolide, même les plus solides ramollissent. C'est pour les ténors du barreau, pas pour les commis d'office. C'est pour le pro du rodéo jusqu'à ce que la police vomisse. J'suis trop speed pour la douane, pour ces cons de la bac, j'suis trop rusé. J'pense avec l'envie d'avoir tout ce que la vie m'a refusé. Est-ce qu'on s'en fout pas trop beau, juste mes vieilles baskets usées. Rien à foutre de ta vago, j'vais me payer une putain de fusée. J'fournis la marchandise, mais pas le ticket de caisse. Et j'laisse une trace rouge comme une claque sur tes fesses. Nique les kilos de coque, vive les tonnes de shit et d'air. J'respecte aucune loi, à part celle de la démerde. C'est un pour les euros, deux pour les escrocs. Chacal, chacalette, tous les pros du rodéo. Pour les loups du ghetto, pas pour les intellos. J'veux juste gagner gros, baiser Sarko et Bardo. C'est un pour les euros, j'rafle le cash, j'suis juste un escroc. Chérie, j'veux que tu le saches. Un pour les euros, j'rafle le cash, j'aime le rodéo. Faut juste que tu te lâches. C'est la loi des coups pourris, le jeu du chat et de la souris. J'travaille Bardo au chalumeau et Sarkozy au bistouri. Man, ça sent l'entourloup, putain, ça pue l'enculerie. Sors direct le coupe-coupe si tu touches à mon bol de riz. Je vais pas dans l'humanitaire, je vais dans la grande escroquerie. Je pense au blé à les tourner, je te baisse des tales d'eau tournée. Si ça t'a fait trop mal, va te plaindre à Julien Courbet. J'arnaque toute la journée, infiltré chez les blindés. Chez Feinte, c'est pour te guinter, marre de patienter pour nienter. Mon rap ramène plus d'oseille qu'un petit collet marseillais. Je m'applique, même quand je nique, je fais ça comme si j'étais payé. C'est un pour les euros, deux pour les escrocs. Chacal, chacalette, tous les pros du rodéo. Pour les loups du ghetto, pas pour les intellos. Je veux juste gagner gros, mais c'est Sarko. Je rafle le cash, je suis juste un escroc. Chérie, je veux que tu le saches.